Et je suis maintenant, comme chaque lundi, avec Raymond Poirier pour la chronique Technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Comment ça va ? Très bien. Oui, alors aujourd'hui on parle de l'impact du numérique sur la vie au travail. Effectivement, ouais. En fait, peut-être pour recentrer un peu les choses, il faut dire que le numérique a un impact quand même assez intense et assez rapide. En fait, pour illustrer un peu le caractère disruptif là que ça amène, si on remonte un peu plus en arrière, la télévision, ça a pris 38 ans avant qu'elle n'atteigne 50 millions d'utilisateurs. 38 ans pour la radio, pardon, 13 ans pour la télévision, voilà. Et quand on tombe à 3 ans, quand on parle de l'Internet à domicile, à 1 an pour Facebook et à 9 mois pour Twitter. Wow, ça va de plus en plus vite finalement. Ça va de plus en plus vite et donc ça veut dire aussi qu'il y a des réactions qui tardent peut-être à certains égards et certains défis dans l'intégration de ces nouveaux outils-là de manière générale. Et question justement de s'intéresser à ça, ben il y a l'État français, le ministère du Travail de leur côté, qui a commandé un rapport sur justement l'intégration du numérique à la vie du travail. Donc question de voir un peu quel changement ça peut amener dans l'entreprise, quel changement ça devrait amener également dans l'entreprise, donc une pléiade de recommandations pour essayer de voir de quelle manière ensuite l'État pourrait éventuellement mieux accompagner peut-être ou mieux conseiller les entreprises qui se trouvent sur son territoire. Alors forcément, ça donne des résultats à la fois sur les préoccupations, les constats bien sûr en premier lieu et les recommandations effectuées dans ce rapport. Exactement. Si on y va peut-être sur les impacts, tiens, pour se fixer, donc les impacts qui ont été identifiés principalement dans ce rapport, on parle notamment de la diffusion massive de nouveaux outils de travail. Et ça, je pense que tout le monde le voit. Nos téléphones intelligents sont désormais des outils de travail, les tablettes intelligentes également, des applications qu'on utilise aussi pour bonifier notre efficacité. Donc la plupart des salariés, ben il y a quand même plein de petites manifestations comme ça. Si on parle justement des téléphones intelligents, du côté français, ça a été multiplié par 6 l'usage depuis 2008, par 4 pour les tablettes, et ça c'est seulement en 2011 et 2013. 55% des gens ont un micro-ordinateur sur leur lieu de travail, mais c'est 90% pour les cadres, les 3/4 des professions intermédiaires également. Alors, nécessairement, bon, on a donc une pléiade de nouveaux équipements, mais ça pose des redoutables questions d'apprentissage, d'acquisition de reconnaissance, de nouvelles compétences, de régulation des usages. C'est pas parce que l'appareil est là qu'on sait bien l'utiliser, et c'est pas parce qu'on l'utilise dans le cadre de nos fonctions qu'on l'utilise mieux non plus. Alors, de quelle manière l'entreprise peut-elle se positionner face à ça? Évidemment, si on fait le point avec les recommandations, mais je pense qu'il y en a une série sur justement des questions de formation, former les employés aux usages, accompagner les gens, offrir des nouvelles compétences en lien avec les usages, etc., etc., parce que ça risque d'être quelque chose d'assez capital. Exactement. Et surtout pour des employés qui ont plus d'ancienneté et qui doivent complètement changer leur méthode de travail parfois pour s'adapter à ces nouveaux outils. Oui, en fait, ça me fait faire le saut même à la limite sur un des messages clés du rapport. On fera des va-et-vient, c'est dans les sections du rapport. L'idée de la fracture numérique. Donc, dans la mesure où il y a des travailleurs qui sont peut-être un peu plus jeunes, qui ont peut-être un peu plus de facilité avec ce type d'outils-là, qui en ont déjà utilisé à la maison avant d'arriver en entreprise. Et il y en a d'autres pour qui, disons que c'est pas par eux que l'usage est venu à l'intérieur de l'entreprise. Eux le font peut-être un peu plus par obligation, par nécessité, ou sur le tard, ou avec certains défis. Alors, le challenge, si on me permet l'anglicisme, pour l'entreprise, c'est d'éviter qu'il y ait une fracture numérique à l'intérieur même de ses rangs, donc qu'il y ait des gens qui ne soient pas nécessairement en mesure de bien utiliser ces technologies-là. Et encore là, on rentre dans la série, je pense que c'est d'ailleurs pratiquement leur 8 première qui traite justement de formation, où on revient à cette nécessité-là, et même à la limite, en fait, question de mieux préparer les générations de travailleurs, même des recommandations qui disent, est-ce qu'on peut l'intégrer plutôt à l'école? Parce qu'encore là, c'est pas non plus parce qu'on est né avec qu'on sait l'utiliser. Toujours une question de culture numérique. Je suis capable de manipuler mon iPhone, mais je ne sais pas nécessairement comment il marche et je ne sais pas nécessairement comment utiliser Excel, même si je fais des tableaux depuis que je suis petit. Donc, il y a toujours cette gamme-là. Alors, évidemment, ça, c'est les impacts sur l'arrivée de ces nouveaux outils-là, des impacts sur la formation. Il y a aussi l'idée des métiers et des compétences, dans la mesure où certaines tâches, désormais, c'est un peu incontournable d'utiliser un ordinateur pour les faire, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Donc, encore là, ça veut dire que les compétences demandées pour certaines charges se transforment. Est-ce que l'entreprise a fait ces modifications-là à l'intérieur également, de ses entrevues d'emploi, certes, mais à l'intérieur aussi des compétences à l'interne? Est-ce qu'elle a assuré aussi des mécanismes de requalification pour les travailleurs qui utilisent des postes? C'est le cas pour certaines, c'est pas le cas pour toutes. Et c'est la même chose aussi pour les cadres. Je disais tantôt que c'est eux quand même la majorité qui utilisent les ordinateurs, en fait, comparativement en termes de proportion, là, évidemment. Alors, nécessairement, mais ça veut dire encore là qu'il faut aussi assurer la formation. Et parallèlement, il y a aussi toute la notion d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Dans la mesure où plus on est appelé en emploi à utiliser un téléphone intelligent, une tablette, des outils qu'on amène à la maison finalement, qu'on traîne avec nous un peu partout, même le week-end, même pendant les vacances, eh ben, est-ce que à un moment donné, il y a une disons une césure qui se crée entre la vie personnelle et professionnelle, ou au contraire, est-ce qu'on est en train tout se mélange totalement. Et c'est pas facile pour les horaires de travail. Pour certains types d'employés, comment on calcule les heures? Pour les cadres, est-ce que les heures se terminent aussi? Alors c'est un grand défi pour ça. C'est un grand défi, et ça amène à un autre message, à un autre impact qui a été identifié par ce rapport, qui est l'idée de l'impact sur l'organisation du travail. Donc d'un côté, on a cette omniprésence du travail dans notre vie. Mais parallèlement, on a aussi une véritable explosion du travail à distance. Moi, je peux travailler d'un peu partout. Même quand je suis en autobus, dans le fond, en revenant du travail, ben, je peux continuer à avancer des dossiers, à faire des suivis. C'est le cas pour bien d'autres gens. Je ne suis pas une exception. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y a aussi l'idée de créer des nouveaux collectifs professionnels basés sur ces nouvelles méthodes de travail-là. Si on est dans les tâches participatives, si on est dans l'utilisation de plateformes numériques, il faut les animer. Si on a beaucoup de travailleurs à distance, mais pas de plateforme numérique pour les lier, peut-être qu'il faut en créer une. Peut-être qu'il va falloir former les gens à utiliser ces plateformes-là. Peut-être qu'il va falloir redéfinir aussi les demandes et les attentes qu'on a par rapport à la présence des employés dans les bureaux pour éviter le présentéisme dans le contexte de tâches qui pourraient se faire à l'externe. Mais par contre, en assurant aussi une certaine présence, donc il y a encore beaucoup de réflexions sur la culture organisationnelle qui doivent se faire d'une certaine manière. C'est certain. Et si on continue de faire des sauts, Jessica, évidemment, tu me vois venir, il y a l'impact aussi pour les gestionnaires. Parce que si c'est toi qui gères cette équipe-là, mais évidemment, il y a plein de nouvelles règles qui apparaissent, mais qui sont toutes des règles non écrites ou des règles en expérimentation. Donc, comment, comme gestionnaire, je me place aussi face à tout ça? Comment je vais réussir à avoir à faire les suivis nécessaires? Comment les communications vont se faire entre les employés et le reste? Est-ce que aussi, à la limite, et ça on tombe sur un autre impact, est-ce que ça va amener une explosion du travail à la pige? Si on n'a plus besoin d'avoir les gens sur place, et si progressivement les salariés disent « j'ai plus besoin non plus de venir à temps plein m'asseoir à un ordinateur au bureau parce que je peux faire la même chose ailleurs », eh bien est-ce que en même temps, au bureau parce que je peux faire la même chose ailleurs, eh bien, est-ce qu'en même temps, dans les organisations, on va dire, oui, effectivement... L'entreprise ne peut pas tourner copigiste non plus, donc forcément, ça entraîne beaucoup de réflexions là-dessus. Oui, puis à la limite des zones de non-droit, parce que aussi au niveau de la pige, c'est pas tous les États ou toutes les entreprises ou toutes les régions qui sont organisées, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'ordres professionnels qui sont chapeautés avec qui offrent des conditions viables, des assurances collectives, fonds de retraite et le reste. Donc, il y a quand même une autre gamme d'éléments qui se développent. Évidemment, quand on compare travail salarié, travail autonome, au bout du compte, c'est un peu la même chose. Mais donc, s'il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, qu'est-ce que ça risque aussi d'amener dans la culture entrepreneuriale? Alors, il y a quand même des petites réflexions donc qui sont amenées dans ce rapport-là. Je le rappelle, le rapport du gouvernement français, du ministère du Travail, en fait. Un rapport diagnostique principalement. Et évidemment, de ça, je pense qu'on en a déjà ressorti quelques-uns, mais on peut revenir sur 5 messages clés. Donc, on a déjà parlé, en fait, je dirais 4, parce qu'on a déjà parlé de la fracture numérique qu'il faut éviter. Mais les autres éléments qui ressortent, eux disent, mais regardez, il faut absolument faire un diagnostic commun. Dans la mesure où, si on veut aussi faciliter la diffusion du numérique dans les entreprises, faciliter aussi l'adaptation de la formation, faciliter peut-être le déplacement d'employés aussi dans une certaine façon, mais faut peut-être aussi penser à avoir une culture commune et pas nécessairement une culture d'entreprise. Alors, plus les situations sont hétérogènes, plus c'est difficile de développer aussi des législations pour appuyer ces situations-là. Donc, ils disent, regarde, l'hétérogénéité, c'est peut-être un danger à moyen terme. Évidemment, avec ça aussi, on dit, regardez, il faut pas être naïf. Il faut pas être conservateur non plus dans l'adaptation. Donc, naïveté qui pourrait amener à penser que tout ça va s'équilibrer de soi, ça va se placer naturellement. Et le conservatisme consisterait, selon le rapport, et je cite, à prétendre qu'il suffit de transposer, voire de renforcer les règles existantes pour gérer l'ensemble des nouvelles situations créées par cette révolution numérique. Pour reprendre un peu une expression, c'est un peu l'idée de faire du neuf avec du vieux. Mais c'est du neuf. Donc c'est pas du vieux neuf. Alors on peut pas prendre les anciennes règles et les appliquer là-dedans. C'est valide de toute façon un peu partout pour ce qui concerne le numérique. Je pense que les auditeurs en ont entendu parler sporadiquement, qu'on pense juste à la musique par exemple, les règles de diffusion, les contenus XYZ, mais avec Internet. Comment, c'est quoi une région, c'est quoi qu'est-ce qui est légal, pas légal aussi, ouais. Exactement, donc ça amène beaucoup de changements de ce côté-là, et évidemment ça veut dire que si on change le cadre entrepreneurial, le cadre d'entreprise, il faut changer aussi le cadre juridique, évidemment. Alors ça c'est une autre recommandation, et évidemment après ça on dit, ben regardez, il faudra aussi penser aux politiques de santé et sécurité au travail, dans la mesure où si on change la définition de travail, si on change la définition de bureau, si on change les manière de faire, ben faut faire un changement en profondeur. On peut pas juste changer de manière segmentée. Si on change la culture du travail, ben faut changer la culture du travail dans son entièreté, incluant entre autres aussi les notions de santé, sécurité, et tout le patatras de ce côté-là. Donc par exemple, si j'ai un accident sur mes heures de travail, comment est-ce que je suis couvert par exemple à ce moment-là? Il y a ça, puis il y a aussi en fait au niveau du suivi des heures de travail, d'éviter d'amener un employé à travailler non-stop finalement, puis que finalement il tombe en fatigue professionnelle. Donc il y a plusieurs considérants là, donc autant l'intensification. Donc, autant l'intensification du travail, les excès des connexions provinciales, ton travail, c'est quoi ton terrain, etc. De bien définir les choses, finalement. Donc, c'est un bel équilibre. À la limite, j'ai presque envie de te lire certains extraits de la conclusion pour conclure un peu sur tout ça. Ce qu'on dit, c'est que la transformation numérique, c'est d'avoir une chance, une opportunité pour permettre la mise en place progressive de nouvelles organisations du travail qui seraient plus transversales, plus souples, plus coopératives, plus collectives. Je fais une petite parenthèse, on le voit aussi quand on entend parler des bureaux de Google ou les nouveaux bureaux cool avec des espaces de coworking, de coopération et le reste. Mm-hmm. Ça rentre un peu aussi là-dedans. Ce qu'on dit, c'est évidemment qu'il y a des risques à ces transformations-là et qu'il faut bien les anticiper via le dialogue social, via l'éducation numérique. On dit aussi qu'il est urgent de mettre fin à un paradoxe qui voit plusieurs millions de salariés amenés à adopter leur quotidien de travail à la diffusion des outils numériques sans que la question n'ait été réellement adoptée au niveau national. Donc de dire, regarder pour un plan numérique d'une certaine façon. Il faut réfléchir à, comme société, comment on intègre ça, comment on fait le choix aussi de les intégrer, etc., etc. Alors, c'est un peu les éléments. Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on est vraiment à une période charnière, une période de modification assez fondamentale. Et la question, c'est de voir, ben, justement, est-ce qu'on va l'envisager comme tel ou est-ce qu'on va essayer de faire semblant que ce n'en est pas une? Alors, c'est une belle réflexion, en tout cas, face à ce rapport. Est-ce qu'il est disponible publiquement sur Internet, par exemple, si on veut le consulter dans son intégralité? Oui, en fait, c'est sûr, évidemment, on le trouve sur le ministère du Travail français. Si on veut chercher un peu moins, allons sur ofti.org, ofti.org, il est dans les premiers rapports là, listés sur les menus. Merci beaucoup, Raymond. Juste rappeler, quand est-ce que c'est fait exactement ce rapport? Est-ce que c'est vraiment de cette année? Oui, ben, en fait, c'est de ce mois-ci. De ce mois-ci? Oui. Tout récent. Eh ben, merci beaucoup, Raymond Poirier, pour cette analyse. Et on se retrouve lundi prochain pour une autre chronique technologie d'information.